à sa fin, sache-le, tout va devenir ténèbres et enveloppé de noir. Quelqu'un va venir te prendre la main, tu en seras heureux, tu ne souffriras pas. Tu vas connaître les moments éblouissants d'une femme de grandeur. I'm gonna go get some more. and I'm not going to take this anymore. Thank you. said I was an escaped mental patient. Diagnosis? Paranoid schizophrenic. You are insane. Psychotic. You have a few pills. Violence. Thank you.